Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de course à pied. Récemment, il y a un gars que ça fait longtemps que je connais qui a réussi un exploit qui est tout à fait remarquable, c'est de courir 65 km. Et les gens connaissent tous Dominique Tremblay, directeur général de la Coupe des Deux-Rives de Normandie et Saint-Prime. Mais il l'a fait à 65 km. Et question de savoir comment il a trouvé son expérience et qu'est-ce qui l'a motivé. On lui parle. Salut Dominique. Salut Danny. Dominique. La première question, quand j'ai vu ça dans la nouvelle hebdo, j'ai dit, il est donc bien fou, 65 km. D'abord, comment se fait-il? Je suis curieux que tu as pris la décision de faire 65 km. Premièrement, je ne savais même pas que ça existait. Ah, c'est venu tout seul. Ben, moi, j'ai commencé à courir l'été passé. OK. C'était aussi simple qu'un défi de me faire la course à Gourgane avec des employés. Fait que, avant de courir 5 km, j'ai voulu essayer. Okay. La première fois que j'ai fait 2,3 km, je pense que je voulais vomir, puis ça ne filait pas mon affaire. Fait que j'ai dit, ouais, je suis pas en forme comme je l'ai déjà été. Fait que je me suis remis à la course comme ça, juste pour le plaisir. Puis j'ai continué à l'automne. Puis là, il y a la course des Pichoux qui s'en venait l'hiver. Puis avec un autre de mes amis, on s'est dit, on va essayer ça, voir la course des Pichoux. Fait que, j'avais toujours une motivation. Puis un coup, j'ai eu fait la course des Pichoux. Bon, il n'y a plus rien, on est l'hiver, tout ça. Puis j'ai tombé par hasard sur un documentaire en fait là, qui racontait ses courses ultra longues parce qu'il y en a des beaucoup plus longues que 65. Là, ah oui? 10 km. Oh oui, c'est ça, c'est un circuit mondial. Puis okay. Le standard, c'est 100 000. Okay. C'est 160 km. C'est l'équivalent de 4 marathons. Mais j'ai pas commencé par ça. Avant ça, je vais m'entraîner un peu plus. Puis il faut quand même me tester. Fait que au printemps, j'ai pris la décision de m'inscrire à Ricana, qui est une course qui fait partie du circuit mondial. OK. Puis j'ai pris la distance d'introduction en ultra trail, qui est de la course en forêt, puis avec des bons dénivelés. Donc je me suis entraîné pour ça, puis 65 km, ça peut paraître beaucoup, mais on fait pas, on sprint pas, tu sais, on fait une bonne course, mais il y a des moments où ce que t'as des grandes montées, donc tu peux presque pas courir. Il y a des moments que c'est des grosses descentes, fait qu'encore là, tu peux presque pas courir. Mais c'est une autre discipline que j'ai découvert, j'ai beaucoup aimé ça. Là. J'ai pas mal mieux ça courir en forêt que courir sur l'asphalte, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les pistes, c'est ce que t'aimes, c'est la forêt, c'est la nature. C'est quoi que t'aimes en fait là-dedans? Là? Ben, c'est le défi. Le terrain est jamais pareil. OK. Il faut que tu sois toujours concentré sur tes pas parce que tu peux pas courir machinalement comme sur l'asphalte. Là. OK. T'as des racines, il y a des roches, il y a de l'eau, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment c'est le fait aussi de courir tout seul. Pour moi, ça me rejoint plus ça, que courir avec 20 000 personnes. Là, ouais. Exemple, le marathon de Montréal, fait que c'est bien personnel, mais moi j'aime mieux ça. C'est un moment, c'est quasiment de la méditation pour moi pendant que je cours. Okay. En forêt, c'est propice à ça. Fait que tout l'été, je m'entraînais comme ça en forêt, puis j'avais du plaisir à le faire. La course ça a été un beau défi. Normalement, quand tu cours un demi-marathon ou un marathon, tu as un programme d'entraînement à suivre. Exemple, bon, ça peut paraître sur 20 semaines, exemple, tu augmentes ta cadence et ainsi de suite. Courir 65 km, ton entraînement, ça commence comment? Ben, je me suis jamais forcé à m'entraîner. Il fallait que ça me tente. Okay. Si ça me tente pas, puis si moi, puis si ça fait froid, je m'entraîne pas. C'est vraiment le plaisir qui prédomine. Puis mon entraînement, ben c'est sûr qu'une fois inscrit, je me suis organisé pour pas arriver là puis abandonner. Ben non, c'est sûr. J'ai été plus sérieux puis cet été dans mes vacances, c'est ce que je me suis dit. Là. J'ai 3 semaines de vacances, je vais me faire un camp d'entraînement. Fait que j'étais un petit peu plus intensif pendant 3 semaines. Mais ça s'est fait sur un an. J'ai couru à toutes les semaines 2, 3, 4 fois par semaine pendant un an, donc ça finit par se bâtir. Puis là, à partir du printemps, là, j'ai augmenté la distance quand même pas mal. Là. OK, OK. Ton alimentation, j'imagine que c'est que tu vérifies également ton alimentation pour ça? Ben, j'ai toujours bien mangé, j'ai pas fait de spécial. Je calcule pas mes portions, mes aliments, mais je cuisine tout ce que je mange. J'achète pas de produits transformés jamais. OK. Ça fait partie de notre habitude chez nous, fait que ça n'a pas été un gros ajustement de ce côté la nutrition, puis tu sais, c'était l'été, je continue de prendre une petite bière sur le bord de la piscine, là, j'ai pas viré fou avec ça. Okay. Sauf que c'est sûr que la deux semaines avant, je me suis donné peut-être période de rodage, puis dans la dernière semaine, ben là, j'ai mangé plus de pâtes avant la course pour accumuler des glucides, avoir beaucoup d'énergie ce matin-là. Mais non, rien de contraignant, là. J'ai toujours fait ça pour que ça soit le fun. OK. Là, c'est un circuit mondial, c'est quoi? C'est un circuit provincial? Parce que j'ai jamais entendu parler de ce circuit-là. C'est un circuit mondial qui s'appelle l'Ultra World Tour. OK. C'est World Tour, excusez, c'est l'Ultra Trail. Puis ça, c'est des courses en santé partout dans le monde. Puis c'est sûr que l'objectif ultime, c'est de faire l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est ce qui m'a motivé au début. C'est où ça, le Mont-Blanc, excuse-moi? C'est où? C'est une course qui ça part de la France. Tu traverses la Suisse. Tu fais le tour du Mont-Blanc, en fait. C'est une course de 170 km, si je ne me trompe pas. Puis pour faire ça, il faut que tu accumules des points sur le circuit mondial. OK. Fait que, en deux ans, il faut que tu complètes trois courses qui donnent un total de 15 points. Fait que celle d'Aricana donnait trois points, par exemple. OK. Donc, puis ça, dans ton temps, comment t'as fini ton classement? J'ai fini 88e. Sur comment? 33 coureurs. Ah, c'est bon? Coureurs, c'est très bon? Okay. Oui, c'est ça. Ben, l'objectif, j'avais pas d'objectif de performance, honnêtement. Je n'avais jamais ça. Je connaissais pas ma capacité de courir plus qu'à 4 heures en ligne. J'avais jamais essayé ça. OK. Puis, je connaissais pas non plus le circuit, puis comment que ça se passait. J'ai fait peut-être une erreur un petit peu plus majeure dans le début de journée. Ça m'a fait perdre peut-être une demi-heure, mais pour le temps, là, je suis super content parce que mon objectif de performance, c'était de battre la moitié des coureurs. Okay. Il faut que je rentre dans la première moitié. Ça, je l'ai quand même atteint. En fait, j'ai atteint tous mes objectifs. Là. Le prioritaire, c'était de pas me blesser. C'est quand même exigeant. Là, puis c'est quand même risqué comme parcours. Des fois, on peut glisser, on peut tomber, on peut avoir toutes sortes de choses. Là. Fait que c'est quand même sorti indemne de là avec un résultat au-delà de mes espérances. OK. C'est une belle journée. Est-ce que là, tu as fait 61... Tu l'avais-tu fait avant dans ton entraînement? Tu avais été dans les montagnes? Y a-tu des pistes d'entraînement ici au Québec de ça? Ben, il y en a, mais moi, je me suis entraîné chez nous. Puis, okay. On sait que c'est des plans. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Il y a peut-être Toboski, mais c'est ça, c'est ce qui me manquait le plus, c'est que je manquais d'entraînement pour les descentes. Les montées, ça a bien été, là, mais les descentes, c'est très technique, là. Puis, les bons coureurs, ils prenaient beaucoup de vitesse dans les descentes. OK. Parce que moi, j'étais plus prudent, puis les genoux commençaient à avoir la difficulté vers la fin, là, à supporter les chocs dans les descentes. Fait que c'est ça que je vais entraîner le plus au courant de la prochaine année. Les espadrilles, ça prend une bonne paire d'espadrilles, c'est la clé. Est-ce que c'est une paire d'espadrilles standard ou c'est vraiment des espadrilles vraiment spéciales, vraiment haut de gamme pour ça? Ben, c'est des espadrilles faites pour courir en sentier, donc ils n'ont pas de talons, ils ont des crampons. OK. Ça ne pèse rien. J'ai des petites espadrilles qui pèsent 125 grammes. Fait que... OK. Mais non, j'ai pas payé ça 500$. Là. C'est des espadrilles accessibles dans toute bonne boutique de course. OK. Mais ça prend, c'est sûr que la chaussure, c'est la base de tout. Là, puis c'est primordial d'être bien chaussé. Là. OK. Le mur. Lorsque tu fais un marathon, tu as toujours un mur. Moi, j'ai fait des demi-marathons, c'est des 21 km. À partir du 18e, 19e km, mettons que c'est rien que ton comment je dirais ça, ton... C'est le mental qui te fait avancer. Oui, je cherchais mes mots. Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as... le mur, est-ce que à quel moment tu l'as frappé? Si tu l'as frappé un, d'abord? Ben, en fait, c'est comme je disais tantôt, j'ai fait une erreur. C'est que le matin, je suis parti. Au premier ravitaillement, ça allait quand même super bien. J'étais 41e. J'avais presque pas consommé d'eau. Puis on est parti à 7h le matin, donc il faisait frais. Fait que j'ai pas arrêté longtemps au premier ravitaillement. Puis j'ai pas repris d'eau. Sauf que là, la journée a avancé, puis rendu vers 11h30, j'ai manqué d'eau. Puis on s'est retrouvé en plein soleil, puis en dans un chemin forcé. Fait que le mur, c'est là, je l'aurais frappé si je m'étais pas dit, je vais ménager mes énergies. Fait que j'ai dû marcher 3 ou 4 km pour me rendre au ravito. C'est là que j'ai dit, j'ai perdu une demi-heure, là. Okay. Avoir eu de l'eau, j'aurais pas eu à marcher. Mais ça m'a peut-être permis de pas frapper le mur aussi. Fait que un coup que j'ai passé au ravito, j'ai eu de l'eau, je suis reparti, puis ça a bien été le reste de la journée. Là. Mais j'ai pas eu le moment disant qu'est-ce que je fais ici, puis ça va-tu finir. Non, j'avais une bonne prédisposition mentale. La chaleur, c'est ce qui faisait chaud cette journée-là? Oui, il a fait 28 degrés sur le midi. Eh! Mais encore là, en forêt, c'est quand même plus frais. Puis en montagne, il y avait tout le temps une petite brise, c'est qu'on était bien. Okay. Jusqu'à ce moment-là, vers 11h30, on s'est retrouvé dans un chemin forestier. Je l'avais prévu, j'avais quand même étudié le parcours. Okay. C'était un chemin qui durait plusieurs kilomètres, puis là, il n'y avait pas d'ombre. Puis là, il faisait chaud. Fait que ça prenait de l'eau. Quand tu regardes ça, c'est toute qu'une aventure, là, 65 kilomètres. T'as parlé de l'an prochain, donc tu veux le refaire? Oui, absolument. Je veux augmenter la distance aussi. Là. Je veux faire l'épreuve reine. Oui. Oui, c'est qui... mon intérêt, là. OK. Donc, t'as commencé à quelle heure? Je continue de dire que je suis fou. Oui, t'as commencé à quelle heure, puis t'as fini à quelle heure? Ça t'a pris combien de temps? Le matin. OK. Je suis rentré à 15h40, l'après-midi. Ça a pris 8h40. Puis le 100... Le meilleur, j'ai fait en 5h45. Puis le 160 km, ça prend combien de temps? J'en ai vraiment les meilleurs. C'est elle que tu veux faire? C'est 125, le gars. OK. En 12h30, c'est absolument, c'est hallucinant. Là. C'est 10 km/h pendant 12 heures en plein bois. Là. OK. Le monde qui sont surmés. Là. Mais, c'est ça aussi qui est le fun. Là. C'est compétitif, mais l'ambiance là-bas est tellement, tellement agréable. Puis c'est de la camaraderie. Puis tu sais, un coureur qui est mal pris, t'arrêtes. Puis tu l'aides. C'est vraiment un esprit, un bon esprit sportif. Fait que. Il y a pas, il y a peut-être les 10-15 coureurs dans l'avant qui compétitionnent, mais tous les autres, on le fait pour nous-mêmes. Là. On ne okay. fait pas pour battre qui que ce soit. Là. OK, OK. Dis-moi, c'est qui les meilleurs? Là, dans le... Normalement, les gens qui viennent de l'Afrique, c'est les meilleurs dans les marathons, dans les demi-marathons. Est-ce que c'est les meilleurs dans ces compétitions-là de 60 km et les 120? C'est-tu des Africains? Non, c'est des gens qui sont grandis souvent près des montagnes. Des Français, des Suisses. Des gens habitués. Ouais, ouais, exactement. OK. Le plus connu, c'est Kylian Jornet, je pense qu'il est espagnol. Donc, j'ai toujours couru dans les montagnes, dans des reliefs comme ça. Fait que c'est vraiment des. C'est une prédisposition dans l'environnement où on vit aussi, là. Fait que. C'est sûr que vivre en montagne, c'est une discipline que t'es plus porté à connaître que vivre au lac Saint-Jean. Là. OK. Ça se fait quand même. Quand tu regardes ça et tu penses à ça, est-ce que là, un an, je t'aurais dit tu vas faire une course de 65 km, tu m'aurais jamais cru? C'est absolument, c'est ça. j'aurais dit que tout le monde me dit t'es malade. Ouais, j'imagine que tes amis, tes chums, tes employés, parce que tes patrons, ils ont dit t'es complètement dingue. 65 km. Ouais, c'est souvent la première réaction que les gens ont. OK, OK. Ça paraît pire que ça, là. Que, OK. Oui, il faut être entraîné, oui, il faut être prêt, mais c'est plus accessible qu'on pense, parce qu'il y a un temps limite à respecter, mais le temps, il est quand même accessible. Il y a des gens qui peuvent faire ça comme une promenade en forêt. Oui, il faut que tu cours, parce que tu peux pas aller toujours en marchant puis arriver avant le temps, mais en même temps, tu n'es pas obligé de te faire mourir là. C'est pas ça le but. Là. OK, OK. Les genoux, ça a-tu fait mal? Ça a-tu fait, après la course, t'as-tu, mettons, bien des journées à te remettre? Ben c'est ça qui était le plus étonnant. Là, je sens encore des petites micro-lésions au niveau des genoux, deux semaines plus tard, mais au lendemain de la course, j'étais quand même super bien. J'avais pas. Je suis pas allé en dehors de mes limites physiques. Là. Quand j'avais de la douleur, je me suis ménagé. Puis ça a bien été le lundi soir, je suis allé jouer au hockey, là, par exemple. Fait que j'ai pas eu de lendemain de course. C'est pour ça que ça me fait croire que je suis capable de courir encore plus longtemps. OK, OK. Ben Dominique, félicitations. C'est toute une expérience. Puis l'an prochain, j'imagine, c'est quoi? Ouais. C'est en France encore, en Suisse? Non. C'est encore. Ben, j'espère en faire deux l'an prochain. Africana, il est au calendrier, c'est sûr, à l'automne. Je vais regarder pour en faire un peut-être au printemps. Là, OK. Il y en a dans l'État de New York qui n'est pas trop loin de chez nous. Bromont en a, peut-être dans deux semaines, il y a le Bromont Ultra aussi, là, qui n'est pas trop loin non plus. Je vais regarder mon calendrier, puis... À ta connaissance, en faire une ou deux. Y a-tu des Québécois qui ont fait... T'étais-tu seul Québécois à cette course-là? Ah non, c'était que des Québécois. Là. Ah, OK, OK. Bon, il y avait quelques athlètes dans dehors, mais... OK. Mais, je sais pas... OK. C'est le circuit mondial, oui, mais ça veut dire que la course donne des points, mais... C'est bien local comme participation. Là. OK, OK. Ben Dominique, félicitations, puis on va s'en reparler sûrement. Dans un autre contexte. Dominique Tremblay, directeur général de la Coop des Deux-Rives.